Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation et plantes sauvages vosgiennes. Depuis quelques années, je mets une attention particulière à manger le plus possible local et de saison. Dans nos Vosges, nous avons deux beaux petits trésors qui poussent et qui sont assez facilement accessibles pour chacun. À l'honneur aujourd'hui, le pissenlit et l'ail des ours. Tout d'abord, le pissenlit. Selon les régions, le pissenlit prend des noms divers et variés. Dents de lion, couronne de moine, salade de taupe et par chez nous, le cramaillot. C'est une plante extrêmement répandue, elle pousse partout, dans les champs, les bois, les lisières, les jardins, les terrains vagues, les prairies, les bords de route, et en montagne jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Cependant, l'idéal est de le cueillir dans un endroit dépourvu d'un maximum de pollution. Il existe heureusement des sites préservés, comme notre belle nature vosgienne. La préservation des haies est également capitale. Point de vue thérapeutique, le pissenlit, ou pissolie, doit son nom au très fort pouvoir diurétique de sa racine. C'est aussi l'ami du foie, il tonifie, régénère et purifie l'organisme. Il est très riche en vitamine A, en fer, en calcium, en sodium et potassium, une véritable mine d'or. Alors c'est le moment de le consommer en salade avec une meurotte chaude, réaliser du vin de pissenlit ou encore de la cramaillotte. Partez à la conquête du pissenlit. L'autre plante du moment, c'est l'ail des ours. À la fin de l'hiver et au début du printemps, l'ail des bois fait surface et enivre ses environs d'une odeur légère d'ail. Cette plante pousse en masse, dans les endroits ombragés et humides ou près des petits cours d'eau. Les premières feuilles apparaissent entre le mois de février et mars, les boutons floraux vers le mois d'avril et les fleurs blanches entre le mois d'avril et juin. Faites juste attention à ne pas le confondre avec le muguet qui lui est toxique. Pour vérifier, il vous suffit de frotter légèrement la feuille et de sentir si le goût d'ail apparaît. Et pour la cueillette, il vaut mieux cueillir les feuilles une par une. L'ail des ours recèle de nombreuses vertus contre le mauvais cholestérol, il contribue à faire baisser la tension artérielle, il a un effet dépuratif et antiseptique intestinal. Il est très riche en vitamines A, B et C ainsi qu'en minéraux. C'est un pur plaisir gustatif. En assaisonnement, en soupe, en pesto, c'est juste excellent. Donc c'était deux plantes sauvages faciles d'accès au plus grand plaisir de nos papilles et de notre santé. Je vous invite à partir à la conquête des plantes sauvages et n'oubliez pas que nous sommes entourés de trésors et que l'idéal, c'est d'avoir recours au circuit de proximité. C'était l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Je vous invite à vous rendre sur ma page Facebook pour suivre mes aventures et être à l'affût des événements. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à vendredi prochain sur Radio Guémozo.